Ok, ok. C'est pour Triangle de la Galère. Le son du Terre, Terre 2. Morsa et Linda. On va faire des ravages. On te met à l'aise. Client pour c'est la relève. Morsa et ses rêves. Big graveur de palette. Sa pique grave sec à client court. Morsa et ses rêves déterminés. Cours, cours, cours. Poucav, on va te baiser. Cours, cours. Le chat va t'enculer. L'équipe la plus cramée. Morsa et CRF toujours équipée. Fuck fuck les balances. Poucave nique ta mère. Balance va te faire enculer. On va niquer ta grand-mère. Morsa et CRF toujours déterminé. Va te faire enculer. Poucave on va t'exterminer. J'ai plus de balles. J'ai niqué le commissaire et tous ces poucaves. J'ai plus de balles, Morsa et CRF, c'est des frères qui ont la dalle. Change de flow comme je change de meuf. J'mets pas de faire que j'fais flipper les keufs. J'roule en RS8, pas en R9. J'cline d'un œil et j'cherche deux ou trois meufs. Douleur, douleur dans le cœur d'un jaloux. J'te mets une tarte, j'te casse ton cou. Ruant de la galère partout, on t'a rendu fou. On te met à l'aise, client pour c'est la relève. Morsa et CRF. Mal dans ta vie, ta poucave. Tu dors plus, tu fais que des cauchemars. Une chalac, t'auras l'orage qui tombe en pleine tête. Je lâche mon beat en pleine tête. J'suis trop fort en tête. Vas-y, vas-y, paye toutes tes dettes. Si t'as pas de plan, fais comme nous, braque la jet set. J'ai traumatisé tous les poètes. Reste à ta place, bouffon. Regarde comment j'brasse le million. J'suis né 19 août, bouffon. Donc j'suis un vrai lion. Prends pas la tête à ta meuf bouffon, parce qu'elle dit que je suis trop mignon. Moi je la comprends ta meuf bouffon. Regarde ta gueule, tu ressembles à un hérisson. On te met à l'aise, client pour c'est la relève. Morsa et ses rêves, big graveur de palette. On te met à l'aise, client pour c'est la relève. Morsa et ses rêves, big graveur de palette. Big graveur de palette.